Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'apéro original avec plein de projets et plein de soucis techniques. C'est la merde, ouais. Bravo. Alors, fun fact, j'avais un truc à lancer juste après le jingle pour que vous entendiez, mais bon, du coup, ça sera au montage. Très bien. Ouais. Donc, on est parti pour une nouvelle session de l'apéro en compagnie des sociétaires, des invités permanents, de nouveaux invités. Donc, on va faire le tour de table. Donc, on a Asto. Je suis fatigué. Valérie. Bonjour tout le monde. J'ai eu un doute à un moment. Gandalf. Bonjour. Jean-Jean. Tocheux. Ali Chat. Ludo. Bonjour à tous. David. Oui, bonjour. Mathilde. Bonjour. Et Pépé. Il est 16h, putain. Et ouais, on commence à 16h, putain, ça va être une longue. Et j'ai soif là. C'est ça. Donc, au programme, comme d'habitude, dégustation de bière, des dossiers, Anime Awards, les questions aux invités, le doc quiz de Gandalf et une petite musique à la fin. On est toujours diffusé sur Pod Radio. Normalement, regardez sur podradio.fr pour avoir les périodes de passage et les autres passages de diffusion. Pod Rennes 2019 qui est logiquement aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Bravo, c'est bien fait. Hein. Et à 16h, qui passe à 16h déjà, David ? Je ne sais pas. Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. Belle préparation. C'est une bonne question. Je viens juste d'avoir l'idée. À 16h, c'est bien sûr Geeksé qui va trouver. Ah, bah oui. Voilà. Juste donc après, c'est... à 17h, c'est Talfo, donc dépêchez-vous. Ah, ouais. Oui, c'est chaud. Oui. Ah oui. Ça vous laisse une heure pour aller à Rennes. Ouais. C'est ça. Dépêchez-vous, l'entrée est gratuite, inscrivez-vous sur podrennes.fr. Ouais, il est encore temps. on a toujours un code promo Beemaker qui donne moins 15% sur votre commande, qui est apéro original, donc APEROORIGINALE. Parce que j'ai la flemme de lancer le jingle Motus. De toute façon, ça marche pas. Oui, c'est ça. Et on va commencer directement par le C'est bien ou blond, et je vais quand même lancer le jingle. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, vol ! Ah, j'ai faim! Ah, j'ai chaud! Et donc, du coup, très très loin, et dans un tunnel, il y a une espèce d'écho en plus. C'est un vieil amphithéâtre très loin, c'est la cour de classe qui est en cours. À notre décharge, c'est le nouveau setup. Ouais, c'est voilà. Oui. Oui, merci au Patreon et au Tipeee. Tocheux est bien devant moi, mais à l'autre bout de la table, donc comme ça. Ça va te faire enculer. Merci, Tocheux, pour ton don sur le Tipeee, grandement apprécié. Et je vais donner donc le décapsuleur du destin directement à Asto. Ok, c'est parti. Alors moi j'ai pris une Zona Cesarini, donc c'est une bière de la brasserie Tocalmato, donc une brasserie italienne. Et la Zona Cesarini, c'est une bière qu'on avait eu l'occasion de goûter au VNB. Yep. Pas de marque. C'est une bière un peu sour, en fait c'est une sorte de blend de houblon, de plusieurs houblons, qui viennent un peu de l'autre bout du monde, quoi, de l'océan Pacifique en fait, et notamment un houblon japonais à l'intérieur. Et donc c'est une bière qui avait beaucoup de fruits au nez en fait, un peu moins en bouche, mais c'est vrai que c'est une bière qui nous avait un peu marqué. On a eu l'occasion d'en retrouver ici à Mérignac, donc on s'est jeté sur le rayon en fait. Oui, tout simplement. Donc c'est parti. Ouais, c'est le nouveau setup de merde, putain. On n'est pas bon setup, tout ça. On n'est pas bon en jingle ni en décapsuleur. Ouais. Ah, c'est normal, c'est un décapsuleur Brewdog. Loli en thème. Que c'est la tienne. Je passe en face à Pépé. Ah, bah écoutez, moi, comme à chaque session, j'ai une thématique. Hein. D'habitude, c'est une thématique IPA ou ce genre de choses. Là, j'ai fait une petite thématique sour, bière sour, des bières plus acidulées, plus acides. Et je ne pouvais pas ne pas commencer cette session sans une Hazy Diamond de La Débauche, qu'on a tous découvert il y a 3 mois. Et dont on a bu au moins une quinzaine de pintes, je crois. Facile. À nous tous. Ouais, ouais, facile, ouais. Ouais, ouais. Et donc, c'est une sour aux fruits de la passion. Hein. Donc, c'est La Débauche qui fait ça. La Débauche qui commence à être sacrément connue. Et c'est bien sûr interdit aux femmes enceintes. Hein. Et comme d'habitude, et puis bon, bah, c'est un petit 5% d'alcool. Donc, c'est plutôt calme pour commencer. Parce qu'après, on est là jusqu'à minuit. Allez. Hop. Et moi, j'ai pas de verre. Donc, je vais tout de suite passer le décapsuleur du destin à. Tiens, David, tiens, dis quelque chose de gentil. Gentil. Voilà. Alors. C'était gentil, hein. Oui. Tu vas nous boire quoi? Qu'est-ce que tu vas nous boire? Alors, j'hésite. Parce qu'on m'a conseillé une brasserie du Mont Blanc, machin chose. On m'a dit, tu verras, c'est bon. Mais c'est Azertov qui a dit ça, donc j'en doute. Donc, au cas où, j'ai quand même prévu un truc sucré à côté, à la banane. Oui, et t'as un décapsuleur? Non, oui, je sais que j'ai un décapsuleur. Ah oui, ouais, tiens, vas-y, parce que quand je parle, je peux pas le faire. Fais, femme. Attends, ben, alors lui, il commence bien. Attends, oh putain, ouais. Ça marche en plus. Mais oui. C'est moi, les ouvertures faciles, je m'en méfie comme de la peste. Dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Voilà, ça, comme ça. Ouais. Tire vers toi, ça. Ah, oh, c'est magique, putain. Ah, je suis bien content que ça soit toi qui l'ai fait. Bon, voilà, c'est une brasse. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors 5%, voilà, vous savez, brasserie du Mont Blanc, ça a l'air bien. Au Genépi, ouais, voilà. Très difficile, c'est très difficile de lui couper la parole. Alors putain, nous allons goûter cette bière qui a l'air bonne. Qu'est-ce que tu veux dire en plus? Ah bon, faut que je goûte? Non, moi je goûterai quand j'aurai entendu le jingle. Bah, tu l'as entendu, c'est juste que tu l'as mal entendu, mais tu l'as entendu. Ah, d'accord, c'est ça. Ouais, la magie du direct. C'est ça. Ouais. Alors, elle est bonne jusqu'au 29 juillet 2020. Et l'ISBN, c'est C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le code barre. 3-7-6-0-0-2-3-2-4-2-0-1-2. Notez, parce que je ne vais pas répéter. Ouais. Il y aura un concours à la fin. Alors, ensuite, Ludo, qu'est-ce qu'on raconte? La couleur. Elle est verte, je crois. C'est original. Elle est verte. Je sais pas, demande à Randall. Qu'est-ce qu'ils mettent à 2074 mètres? Ah, c'est très passionnant. C'est passionnant, tout ce qu'ils peuvent écrire sur les bouteilles. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà. Du coup, tu peux donner le décapsuleur. Oui, je sais, c'est tout ce que tu attendais. C'est exactement. Non, j'attendais tout. Je me suis dit combien de temps il va attendre avant de me dire ferme ta gueule et te sonner capsuleur. Monsieur Ludo à côté de moi. Merci. Alors moi j'ai une bière, je suis un peu loin peut-être. Hein. Ouais. Mais qui es-tu? Oh, ah oui. Mais oui, tiens. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah bonjour, oui. Ludo. Qui es-tu? Moi je suis Ludo. Bonjour Ludo. Ouais, ouais. Je suis l'animateur du... Ouais. Du... C'est bon. Du... C'est bon. Du podcast. Oui. Oh. Tu aimes les films d'horreur, qui est un podcast donc, où on raconte les films d'horreur. Tout simplement. Voilà, en enlevant la partie qui fait peur pour les gens qui n'aiment pas les films d'horreur. Alors, je suis en présence d'une bière triple or, privilège du temps, collection 2018. Haute couture, tout le ça. Donc c'est une bière triple qui est vieillie en fût de sauterne. Oh. Elle a des arômes donc des touches enivrantes d'orange confite, d'épices et de malt miellé. Eh ben, ça doit pas être dégueu tout ça. Loin d'être dégueu, oui. Je sais pas où je la mets. J'aime beaucoup le concept de raconter des trucs qu'on sait pas en fait. C'est comme si tu faisais la critique d'un film en lisant ce qu'il y avait décrit derrière le synopsis. À noter que la bouteille est noire. Ouais. Et selon le monde, c'est exceptionnel. Télérama a mis 2 étoiles. Donc après, je passe à qui je veux. Oui, qui tu veux. Sauf à lui. L'animateur, c'est toujours le dernier qui finit. C'est un peu loin là. Allez. Bonjour. Merci. Eh bien, pour moi, ce sera une. Dans le micro, parle dans le micro. Ah, il est loin. Ouais, mais rapproche-le. Ok, on se calme. Donc, pour moi, ce sera une bière de la brasserie Terco. Oui. Ouais. Ah, et voilà. Vous connaissez les amateurs, bien sûr, brasserie qui est située à Cadejac, non loin de Bordeaux. Ah oui. Donc, c'est le moment, on en profite. J'ai pris la Timut Piper Wheat Ale. On remerciera mon anglais. Donc c'est une bière... Qui est pas pire de celui que celui de Gandalf. Rapproche-toi du micro. J'y suis. Merci. Qui a notamment la particularité d'être faite avec du poivre de Timut, qui est un poivre un peu particulier puisqu'elle rajoute des notes d'agrumes et notamment de pamplemousse. Oh. Donc voilà, on va s'ouvrir ça et je sais déjà que ça va être très très bon. Oh, le spoil. Ça fait envie. Mais pour l'instant, je vais donner mon décapsuleur à Valérie, qui va se présenter aussi. Alors, ben voilà, je fais partie aussi du podcast Talfo. Ouais. C'est Tu aimes les films d'horreur, pour ça, oui. Je ne ferai pas le lien. Voilà. Ah, parce qu'il y a 2 podcasts invités cette saison. Enfin, j'ai rien compris. Alors, la bière que je vais goûter aujourd'hui a déjà été présentée, très bien présentée par Péremptoire. Donc, moi, j'ai juste présenté un petit peu l'étiquette. Il y a une femme qui aurait pu d'ailleurs tourner dans un film d'horreur dessus, qui est accompagnée d'un ours. Voilà. C'est vendeur. Et l'ours, il n'aurait pas tourné Pépé, dans le film, lui. Pépé, fais gaffe. Ah, il pourrait. Bertrand Bouchardeau pour l'illustration. Je passe le décapsuleur à Edouard Philippe. Qui en a déjà un. Eh oui, moi j'ai, subtilité, moi, attention. J'ai toujours mon petit décapsuleur à moi. Non, mais non, pas de ça ici. Il est chiant en fait. C'est pour oui, ça. Moi je suis le casse-couille de service. Ouais, il est chiant depuis qu'il est Premier ministre. Je vous emmerde. On retourne chez Tokalmato, que vous avez déjà fait découvrir Asto. Moi c'est la Docteur Caligari. C'est une Berliner Weiss, comme le film. Aux arômes de framboise. Donc aujourd'hui, on a une thématique un peu acidulée. Voilà, pas grand-chose à dire. On est dans du produit italien. C'est titré à 6,3, ce qui est plutôt costaud quand même pour une petite Berliner Weiss, à mon avis. Et écoute, on va se goûter ça tout de suite. Hein. Donc, c'est interdit pour Sigourney Weaver. Ça ne va pas dans la touche automobile, apparemment. Ils ne veulent pas. Et c'est issu du programme ça participe au programme de recyclage. Voilà. Moi, je vais ouvrir ça de mon côté avec mon décapsuleur des Lightning. Et je vais donner le décapsuleur du décapsulage à Mathilde. Merci. C'est évolutif. Alors, moi, comme j'y connais pas grand-chose, je me suis fait thématique improvisée. Je me suis fait arnaquer peut-être aussi, je ne sais pas, hein, on va voir. Donc là, j'ai choisi 3 pays. J'ai choisi l'Irlande pour cette petite bière. Une bière de pommes fermentées avec de l'acide malique et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et du sucre. C'est pas comme s'il y avait des gens du Focol qui devraient répondre. Il n'est pas là, Loli. C'est ce qui est l'acide malique. Ok, Google. Non, fais pas ton Randall, c'est bon. Voilà. Donc, bière irlandaise. À voir. Très jolie. Elle est belle. C'est pour Gandalf. Aux abris. J'ai la formule de l'acide malique, si tu veux. Ah. Alors, H-O-O-C-C-H-2-C-H-O-H-C-O-O-H. C'est magnifique, hein. C'est lui, ce que j'aurais dit. Formule brute, C4-H6-O5. Voilà. On dormira beaucoup moins con. C'est un moteur de voiture. Alors moi aujourd'hui, alors je vais commencer tranquille avec une bière à 10 degrés 5. C'est une Gulden Drac. Voilà, je pense que vous connaissez, c'est avec un voilà, une bière une bière belge. C'est belge. Alors visiblement, faut pas la consommer à plus de 8 degrés sinon il se passe un truc. Sigour Ever n'y a pas droit. On a le droit d'en la mettre dans la touche mobile. Mais par contre, faut marcher en la mettant dans une poubelle. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà, c'est belge. Et c'est la brasserie Van Stenberg. Déjà, il y a un accent anglais pourri, mais un accent belge. Et donc, je me sers. Et je rends le décap au propriétaire de cette intro. Donc, notre ami. Propriétaire de la Peugeot. Immatriculé. Quant à moi, donc, c'est une Sirène Craft Brew. Liquide Mistris, et qui est une raid IPA. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Donc c'est une 5-6, Sigourney Weaver, il n'y a pas droit. Et voilà, principalement. Donc on va s'ouvrir ça. Tout de suite. Ah, dépêche-toi, parce qu'il fait soif à force. À cette session, ouais, interminable. Bravo. Merci à tous d'être venus déjà. À la technique, santé. Toujours présente. La technique, elle est là. Elle est super bonne. Ah. On a encore ramené quelqu'un vers la Easy Diamond. On a grandi la famille des fans. Personne n'aime pas. On n'a pas encore trouvé. Hein. C'est comme un petit bonbon, je me régale. C'est un bonbon, mais sans sucre. On a quand même réussi à la classer au-dessus de la Bloemenbier, quand même. Ouais, ça c'était un petit peu. Et pourtant, difficile, ça c'était, c'était le truc un petit peu touchy à faire. Quoi. Hop, bah, du coup, on va pouvoir commencer directement avec le quiz. Non, dossier. Oh, son dossier, Le dossier de monsieur. Asto. Ouais. C'est parti pour le. Un jingle. Ouais, il est dégueulasse, mais un jingle. Déjà, c'est un jingle avec des sons un peu métalliques. Et en plus, là, il est dégueulasse. Finalement, je sais pas si je vais garder cette version-là du jingle. Ça fait bizarre quand même. Donc, ouais, je fais un petit dossier qui s'appelle Anime Awards. Donc, en fait, c'est plus pour parler de. Produits culturels de l'année passée, mais au travers du biais des Anime Awards. Donc parce que moi j'aime bien tout ce qui est animé. Est-ce que vous regardez des animés juste voilà. Telfo, vous regardez des animés ou pas? On a quelques-uns, mais on n'a pas tellement le temps. Il veut dire que c'est de la merde en fait. Et Mais je suis pas. C'est de la sous-culture. Je suis ni pour ni contre. Hein. Moi j'aime ça, mais après. J'aime bien One Piece. Donc voilà, donc je vais prendre les résultats des Anime Awards qui ont été dévoilés il y a assez récemment, donc au mois de février, un truc comme ça. On va en discuter un petit peu, et puis après vous allez me dire aussi votre avis. Enfin, je vais essayer de vous faire parler un petit peu aussi tous. Alors moi j'ai rien contre les animés, en revanche j'aime pas trop les awards. Ouais. Moi j'ai un ami qui est animé. Il pourrait pas aller chez Podcastéo. Ah mais. T'as qu'à me vomir dessus aussi. L'effet podcastéo. Double effet podcastéo. C'est l'effet mousse. Non mais je m'en débarrasse de suite, comme ça c'est fait. Ah ouais, non, t'as raison. T'as des animés avec des femmes, c'est pour savoir pour les statistiques. Oui, parce qu'il y a une catégorie meilleur personnage féminin. Et des chiens? Ça, y a pas. Ça, des gamines avec des chiens toi, ça, tu vois. J'ai été traumatisé par un manga avec un chien qui m'a passé, m'a montré Gandalf, donc... Ah, c'est un petit peu plus qu'un manga. Je m'en souviens. Allez, là. Alors, on va commencer les Anime Awards par le meilleur protagoniste, tout simplement. Donc, celui qui a été. Donc, il faut savoir que les Anime Awards, ils sont faits par Crunchyroll, donc un petit biais. Un petit biais quand même. Hein. Donc le meilleur protagoniste, ça a été donc Limul Tempest, donc de moi quand je me réincarne un slime. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ou vu la série. Donc je pense que Monsieur Azertov. Oui, j'ai vu. Est-ce que tu peux pitcher rapidement? Alors c'est un isekai, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc en fait c'est une personne du monde réel qui meurt et se téléporte, se réincarne dans un monde d'heroic fantasy et il se réincarne en slime, donc une petite boule de gélatine. C'est pas de bol. C'est pas de bol. C'est ce qui se dit. Voilà. Sauf qu'il a des capacités, il a une compétence grand sage, donc qui permet de connaître quasiment tout sur tout. Et il rencontre un dragon qui l'ingère, et donc du coup il a des super gros pouvoirs. Et il a également la capacité prédateur qui lui permet de bouffer tout. Et il va bouffer un dragon, notamment. Voilà. Ouais. Et ensuite du coup il est hyper balèze. Tu comptes les deux coups, c'est ça? Hein? Tu comptes les deux coups? Non. Non, j'ai abandonné depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Bah ouais, ça m'a l'air. Ouais, oui, non, mais oui. C'est l'impression que ça donne. Dès que je passe 5 minutes avec toi, je pense que ça fait des heures déjà. Donc pour le meilleur protagoniste, donc ça avait été donc ce Limul Tempest. Vous autour de la table. Allez, c'est parti. Oui. Qui est-ce que vous avez un protagoniste, un personnage d'une œuvre, que ce soit de films, de séries, de jeux vidéo, de ce que vous voulez, de 2018 qui vous a marqué en fait? Bah ouais, parce que c'est sur l'année passée. Enfin non, moi les animés c'est de loin, je rattrape le retard. Non mais pas forcément de l'animé justement, ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. N'importe un bouquin. Alexandre Benalla. Non. Alors non. Meilleure fiction du monde, hein, franchement. D'une œuvre culturelle, hein, grosso modo. Je vais essayer de. T'as vu qui est autour de la table? Tu sais, nous la culture, franchement. Si tu veux de la culture, faut aller chez Podcastéo, quoi. Mais non, on a dit, c'était au début. Mais pas deux fois, quand même. Puis ils font des trucs avec des femmes, tu crois vraiment qu'il y a de la culture? Non, mais... C'est méchant, hein, c'est débile. Ouais, mais c'est marrant. Non. Non, vous avez rien? Non. Dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a eu comme film de sortie l'année dernière? C'était cette année, Spider-Man. C'était début d'année. Il est sorti. Il est pas sorti en décembre? C'était fin d'année, c'était décembre, oui. Décembre, il me semble. Miles Morales, ouais. Du coup, hein, pourquoi pas? Morales. Non, c'est pas le même. Il a été pauvre quand même en 2018 au niveau du cinéma. Il y a eu à la 2. À la 2, oui, très bien. J'apprécie. C'était 2019. Alors, à la 2, tu pourras le mettre peut-être dans la prochaine catégorie qui est le meilleur antagoniste. Meilleur antagoniste, non, j'ai pas non plus. Si, peut-être Deadpool. Antagoniste, c'est plutôt méchant. Hein. Oui, antagoniste, c'est méchant. Un antagoniste, c'est un méchant. Bah, le méchant de Deadpool. Je sais même pas comment il s'appelle. Nega Deadpool. Oui, c'est Cable dans le 2, c'est pour ça. Cable. Donc en meilleur antagoniste pour l'année passée, c'est donc All for One, Alexandre Benalla. Donc qui est le My Hero Academia. De My Hero Academia, qui est donc le grand méchant en fait de My Hero Academia en gros, à l'opposé de One for All, qui est le grand gentil. Le grand gentil, qui a un pouvoir monstrueux et qui le met au service de tous. All for One, c'est quelqu'un qui assimile le pouvoir de tous les gens en fait, pour les garder tous pour lui. Qui est le grand méchant. Et donc vous avez pas de non plus de grand méchant qui vous a marqué, qui vous a 2018 toujours. Ouais, enfin c'est loin. 2018 si possible, ouais. Après sinon on peut remonter plus loin, hein, si vous voulez partager d'autres trucs, il y a pas de souci. Grand méchant. Ouais. On va peut-être pas remonter à Dark Vador non plus, mais bon. Le méchant de la saison 3 de Fargo. On en parlait hier, le méchant de la saison 3 de Fargo, la série assez malsain. Qu'est-ce qu'il a de malsain en fait? Il est malsain. D'accord. Notamment. Ouah, Gandalf fait aussi. Chaque plan est dégueulasse. Alors Gandalf, candidat pour le meilleur antagoniste de 2018. Vide, il va voter là. Il remet en jeu son titre de 2017, c'est ça? Et ensuite, on a donc le best boy, donc le meilleur personnage masculin. Donc c'est Izuku Midoriya, donc le héros de My Hero Academia en fait. Donc le petit garçon qui n'a pas de pouvoir. Et qui arrive à intégrer l'école des super-héros, parce qu'il va réussir à avoir un pouvoir d'une manière un peu détournée. Donc, est-ce que vous avez un personnage masculin? Un best boy. Un best boy. Aurine. Oui, Aurine. Ouais. Aurine, ouais, Aurine. Si il était là, on entendrait les jingles aujourd'hui. Ouais, mais on sera en live, donc il y aurait sûrement eu un souci technique quand même. Non, c'est pas le duel. C'est pas le duel, non mais oui. Moi, en Best Boy, j'ai le... je crois que j'en avais déjà parlé, c'est dans Days, l'équipe de foot ouais. de Seiseki, je mm-hmm. crois, mais je me souviens plus du nom du protagoniste principal. C'est le gars qui est complètement à la rue, qui ne s'est pas tapé dans un ballon et qui devient quasiment pro en 3 semaines. Ouais, balèze. Voilà. Là, franchement, on est vraiment dans du top moumoute. Ouais. Balèze. Moi, j'ai fait 13 ans de tennis et j'étais toujours aussi nul au bout de 13 ans. J'aurais dû m'inspirer de ce monsieur, peut-être. Ensuite, donc en best girl, est-ce que vous avez éventuellement une best girl de 2018 ? Sacha Gray. On a dit culturel. Non. C'est de la culture ? C'est moi, il me semble qu'elle a sorti des livres. Attends, je lance. Moi, j'ai bien celle qui joue dans Attache-moi. Ouais, d'accord, donc Nana. Oui, dans Nana Tokaoru. Nana Tokaoru, ouais. Ah oui. Si, on va voir Edouard Philippe parler japonais. ça fait bizarre. Hein. Cette sous-culture m'étonne. Si, Mimosa dans Black Clover, qui est en fait Black Clover, pour faire l'histoire un petit peu rapidement, c'est un shonen où des gens ont des super-pouvoirs avec leurs livres. Et en fait, Mimosa, en fait, elle arrive à soigner les gens avec le pouvoir des plantes. C'est très univers floral. Et elle soigne les gens comme ça. C'est très Woolsey. Est-ce qu'elle a le pouvoir de l'amitié aussi ? Oui. Ah. En quelque sorte. J'ai eu peur, moi, je croyais qu'on parlait du Mimosa qui jouait avec, avec crayon dans Le Meilleur des Mondes, je crois, ou un truc comme ça. Tu sais, ici, la culture. Ouais, c'est ça, mais en plus, vous êtes trop jeune, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Donc, Best Girl, ça a été donc élu Mai Sakurajima, donc de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, qui était un manga qui traitait des problèmes de l'adolescence au travers de plusieurs personnages qui avaient des espèces de... Il leur arrivait des trucs un peu surnaturels, en fait. Et en fait, c'était un moyen détourné de traiter de l'adolescence et de la puberté, des problèmes qu'on peut avoir à l'adolescence. Ce n'est pas sale. Non, mais c'est super bien comme... C'était un super animé que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que c'est un des animés que j'ai préféré de l'année dernière. Il n'y a pas de Chantal alors. Bah oui, c'est pour ça. Ah voilà, c'est pour elle. Et maintenant, voici Cobal. Ensuite, j'ai le best opening séquence. Donc, ça serait plutôt un générique. Un générique de série, peut-être une BO de film. L'attaque des Titans, saison 1. C'était pas l'année dernière, du coup. Ouais, hein, tu vas pas commencer. Ouais, Spider-Man. Spider-Man. Ah ouais, carrément. Donc celui qui a remporté le titre, c'est donc l'opening... Et Glace. Ah non, je déconne, c'est de la merde. L'opening de Darling in the Franxx. Je sais que Monsieur Azertov l'a vu également. Oui. Tu peux le pitcher ? Oula, c'est un animé sur des mechas, donc des gens qui rentrent dans des robots et tapent des insectes... Des trucs bizarres. Bizarres. Et c'est super cool parce que ça traite surtout en fait des adolescents qui deviennent adultes et toute cette partie-là de relation entre personnes et comment on devient adulte. C'est ça, ça parle du passage à l'âge adulte en fait. Puisque pour piloter un mecha, il faut ce qu'ils appellent un pistil et une étamine. Un garçon et une fille en fait. Hein. C'est très manif pour tous quoi. C'est ça. Ouais. Pas la position dans le robot, mais... Ouais, c'est un peu suggestif, puisque dans le robot, pour le piloter, donc, la fille est à 4 pattes, et le mec est assis derrière elle, et en fait, il y a des espèces de commandes qui sortent des fesses de la fille, en gros. De la combinaison de la fille. De la combinaison de la fille. C'est très, très particulier. Mais ouais. Il faut arriver à passer outre... C'est quoi le titre, déjà ? Darling in the Franxx. Et donc, le générique, il s'appelait... C'est Kiss. Pour Ludo, il n'ose pas demander. Merci. Le générique s'appelait Kiss of Death de Hide. Oh, Hide, oui. Voilà, et un cross avec Mika Nakashima. Et c'était très très bien. Ensuite, le best ending séquence. Et là, du coup, c'est Attack on Titan, l'ending de la saison 3 de Attack on Titan. Ah, celui-là, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu ? Tu peux pitcher vite fait Attack on Titan ? L'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin. Un rallonge en VO. Qu'est-ce qu'on a sur l'attaque des Titans ? Alors, ça fait un moment que je l'ai regardé. C'est des géants complètement dénudés qui attaquent les villes, des villes notamment protégées par 7 murailles, si je me souviens bien, ou 4. Peut-être, j'ai pas vu. Oui, voilà. Je crois que c'est 4 ou 7 murailles et on sait. Moi, je me suis arrêté à la fin de la première saison où on sait pas trop d'où ils viennent, on sait pas trop pourquoi ils sont là. Mais ils sont là. Ouais, ils sont là, ils dévorent tout ce qui bouge, ils chassent les humains et il y a des brigades d'enfants, enfin d'adolescents, d'intervention, qui sont entraînés justement pour mettre cette menace à l'écart. Et on suit plus particulièrement, je crois, un garçon, un adolescent et une adolescente qui font une équipe. Et on suit la vie du groupe et l'évolution du groupe tout au cours de la première saison. Voilà. C'est pas super. Enfin, moi, de mon avis, c'est pas super bien dessiné. C'est pas super bien animé. Mais l'histoire a quand même un fond intéressant. Voilà. C'est beaucoup mieux dessiné que le manga en lui-même. Oui. Le manga en lui-même est à chier. Oui, parce qu'il y a des problèmes de coude où il y a un deuxième coude dans le coude. Enfin, non, mais le trait ne me plaît pas du tout. C'est absolument pas le genre de dessin qui m'attire. Quoi. C'est la vie générale. Je suis resté juste à peu près sur le scénario et le rythme que ça mettait. La BO, l'opening, je l'ai trouvé sans sas. Et je suis en partie resté à cause de ça parce que c'est à peu près le seul truc qui me tenait. Mais pour le reste, ça s'essouffle vite. Et du coup, je me suis très très vite arrêté à la fin de la première saison et sans regret. Les openings qui étaient de Linked Horizon, donc le groupe 1, et donc c'est également ce groupe-là qui était à l'ending de la saison 3, qui a donc été... Un très bon opening aussi, ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est Black Lagoon. L'opening de la... Bah, je crois qu'il n'y a eu qu'une saison, ou l'arc principal, hein. il y a eu deux saisons. Enfin, je sais qu'après, il y a eu des déviances avec la maid du parrain de la mafia. Mais l'opening de Black Lagoon, c'est franchement ça à écouter. Ouais. D'autres musiques éventuellement de 2018 issues de la culture Spider-Man New Generation. Ouais. Non, c'est pas les ça. Glaces, mais c'est de la merde. la musique de glace, c'est de la merde. Ça, c'est... Le film va encore à peu près, mais la musique, non. Dans la catégorie suivante, c'est Best VA Performance, donc c'est meilleur... Voice Acting. Ouais, Voice Acting, donc meilleur comédien de doublage, en gros, meilleur CEO. Ouais, dans Spider-Man aussi, ouais. Ouais. C'est qui? C'est Giroud? Nicolas Cage. Non, c'est Stéphane Dac. Vraiment, Nicolas Cage. C'est un footballeur, non? Il joue qui déjà dans Spider-Man? C'est pas Spider-Man, un des Spider-Man. Spider-Man Noir. C'est Spider-Man Noir qui fait, oui. Ouais. Donc... Bah, on n'a rien contre, hein. J'ai un ami noir. D'ailleurs, il est là. J'ai un animal à la maison. Pas le problème. Prépare-toi, Zertov, je vais encore te solliciter, puisque donc celui qui a été choisi comme étant meilleur voice actor pour l'année 2018, c'est Mamoru Miyano, donc pour son rôle de Kotaro Tatsumi dans Zombieland Saga. Ah oui, donc c'est le producteur... C'est le manager. Le manager. Donc Zombieland Saga. Et donc c'est un groupe d'idoles de zombies. Donc les groupes d'idoles, ce sont des groupes de plusieurs filles ou de garçons qui font de la chanson, mais pop. Qui dansent en même temps. Voilà, c'est vraiment très... Boys band, quoi. Est-ce qu'ils sont adolescents? Oui. Ah ouais, là, ils sont adolescents. J'ai noté que c'était récurrent. Sauf une qui est un peu plus adolescente, parce qu'elle vient de l'ère je sais plus quoi. En fait, ouais, il y en a une, c'est une ancienne geisha, donc elle est un peu plus âgée. Mais c'est dommage. Oui, adolescente. C'est ça. Mais il y en a une autre qui est beaucoup plus jeune. C'est ça. Donc c'est, ça compense. Il y en a une qui est vraiment gamine, du coup, ça compense. Ah. Et c'est vachement bien. Là, d'ailleurs, on rigole, là, on parle. Et donc, Ludo, il ne le sait pas demander. Toujours moi. Et donc, ce perso de Kotaro. Je voudrais le numéro de la jeune. Mon petit côté catholique. Courage, Asto. J'ai l'habitude, t'inquiète. Donc ce Kotaro qui est complètement allumé en fait, donc c'est pour ça qu'il a été élu meilleur voice actor, parce qu'il incarne très très bien le personnage avec des intonations de voix complètement débiles en fait. Et même si vous n'avez pas vu Zombieland Saga, vous connaissez peut-être ce seiyuu, donc ce comédien de doublage, puisque c'est lui qui faisait la voix de Light Yagami dans Death Note. Ah bah oui. Voilà, donc c'est cette voix-là, mais en version complètement allumée, complètement déjantée. Hein. Ensuite, on a le meilleur voice actor anglais, on s'en fout. On est pas les couilles. On est Best Director. Donc là, ça a été Masaaki Yuasa pour Devilman Crybaby. Oui. Est-ce que quelqu'un a vu Devilman Crybaby? Non. Moi non plus, c'est con. pas pouvoir du Masaaki, ça suffit. C'est mais c'est du Masaaki Yuasa. On continue à parler de choses qu'on ne sait pas. Donc on connaît la qualité du monsieur et de ses œuvres. Ouais. Il a fait quoi d'autre? Parce qu'on l'a rien vu. Nighty Sort, Wild Con Girl, Man Game. Ok, c'est lui. Ping Pong The Animation. Ah, Ping Pong The Animation, oui, surtout. Louis Lio Sirène. Voilà. C'est d'ailleurs les. Ping Pong's Animation sont gratuits sur YouTube, sur France TV slash. Ouais. Et ça défonce tout. Meilleure animation, Violet Evergarden. Non, Spider-Man. Donc Spider-Man. Donc il y a une thématique toi aussi, hein, je crois. Là, je peux pas vous aider non plus, puisque c'était un truc sur Netflix. Je ne l'ai pas vu, Violet Evergarden. Je sais que c'est les studios Kyoto Animation, donc je ne doute pas de la qualité de l'œuvre. Et je sais que c'est l'histoire d'une femme qui écrit. J'en sais pas plus. Une écrivain. Ouais, mais en fait, elle écrit pour des autres, elle écrit des lettres pour des autres. Enfin, je sais plus qu'est-ce que c'est exactement le délire. Un japonais nègre. Mais je sais que. Le terme est juste, le terme est juste. C'est un ghostwriter. J'ai l'image. T'as l'image du Japon noir, c'est ça? Blackface. Alors. Ouais, là on y est. Là. Alors pour la catégorie suivante, David va me dire Spider-Man, puisque c'est le meilleur film d'animation. Spider-Man, voilà. C'est clair. Spider-Man. Meilleur chara-design. Spider-Man. Donc c'était Jojo Bizarre Adventure, Golden Wind. Spider-Man, ok. Anime of the Year, Spider-Man, donc c'était Devilman Crybaby. Meilleure scène de combat, bah, Spider-Man. Spider-Man, il y en a aussi. Oui, ça marche. Il y avait Booba et Caris aussi. Mais... mais c'était pas un animé. C'est moins animé. Ah bah, ils sont un peu des animés. Mais... donc, meilleure scène de combat, c'était All for One contre All Might. Avant Spider-Man. De My Hero Academia, saison 3. Meilleure série qui a continué depuis l'année précédente. Là, tu peux pas dire Spider-Man. Si, parce qu'ils en sortent un tous les ans pour garder les droits, donc ça marche. Ou Avenger. Ouais. Avenger, ouais, ça marche. Enfin, tous les films de DC, quoi. Voilà. Bon, c'est pas Dark Horse. Ça, c'est pour les fans. Là, en l'occurrence, c'était Dragon Ball Super. Bon, ça, je doute un petit peu de la qualité. Dragon Ball. Je suis pas Dragon Ball, donc je vais pas juger. Pas vu. Et c'est tout pour moi pour les catégories. Donc après, si vous avez d'autres. Si du coup, pendant ce rapide récapitulatif, vous avez eu des idées. Meilleur film avec un homme araignée. Ah oui, meilleur film avec un Spider-Man. Ça marche. Meilleur film avec un mec avec un costume. Ouais. Spider-Man. Qui tisse d'étoiles. Spider-Man. Ça marche aussi pour Avenger. Pour les deux. Ça marche. Oui. Sauf que Spider-Man est meilleur. Il y a Spider-Man dans Avenger. Oui, c'est pas le même. C'est pas le même. Il est moins bien. Un adolescent. Oui. Encore un. Du coup, c'est bon pour moi. Après, c'est si bon vous avez rien à ajouter dessus, on peut passer à la suite. On peut ajouter autant de conneries que tu veux. Hein. Avec Ludo, on est parti. Hein. Bah, ça tombe bien, on va passer aux questions aux invités avec ce merveilleux jingle. Ouais, viens, Ludo, on va dormir. Ça marche maintenant. Allez, viens. Normalement, il continue du jingle. Des chips. Ah, il revient du. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Alors, le jingle est terminé. Je n'ai pas préparé les questions. Je vais faire ça tout de suite. Questions aux invités. Blablabla. Oui. Putain, on sent que c'est préparé quand même. Oui. Ça valait le coup d'arriver la veille. Hop, c'est bon, j'ai retrouvé le document. Donc, on va vous poser des questions aux invités. Courage. On va, ouais, ah, c'est la séquence piège. C'est ça. Alors, on va vous demander un nombre entre 1 et 93. 93, ouais. Est-ce qu'on peut avec une décimale ou pas? Non. Ou sinon, arrondi supérieur. Si tu mets 1,5, tu auras la moitié d'une question et la fin de l'autre. Tu verras pas la différence. Je connais un peu les questions. On peut les mélanger. Et du coup, on va commencer par Mathilde. Entre 1 et 93. J'y vais. 7. Alors, c'est une question de parents d'Alflag. J'ai honte. Alors, le vrai tout missionnaire. Les flags, ils posent jamais de questions comme ça d'habitude. Ah, c'est pour ça, c'est pas une question de lui, justement. C'est pas de lui. Encore une question de catholique. Alors, vous pouvez répondre ce que vous voulez à la question. Ouais. On va rester sur la thématique bière, je veux dire le vrai, du coup. Voilà. Ouais, le vrai. Bien joué. Pour la bière. Ludo, le film avec. Non, pardon, ou David, le, il a, ou Missionnaire, le film avec Jean-Marie Bigard. Non, ça va être une autre question, mais il y a David entre. Quoi un entre 1 et 93, sauf le 7. 17. Ah, ouais, je laisse alors, tu es plus grosse tête de Philippe Bouvard ou de Laurent Ruquier? Et précise ta réponse. Faut préciser. Ouais, tant qu'à faire. Je suis plus grosse tête de Bouvard parce qu'elles vont pas tarder à y passer. Oh, il en reste plein encore. Oui, mais pas Jean-Jacques Perroni et tout, il est encore là. Mais les historiques. Bon, alors d'accord, je suis plus Ruquier, mais c'est que des vieux cons qu'il y a là-bas en ce moment. Donc, oui, ça va, c'est chiant quoi. Et donc Ludo. Oui, bonjour. Bonjour. De quel podcast viens-tu? C'est dans un autre. Il n'y en a pas qui vient. Le duel, il est du duel. Donc, un chiffre entre 1 et 93. 13 sans le 7 ni le 17. C'est ça. C'est ça. Ouais. Alors le 18. DVD ou Blu-ray? Oh, c'est facile. Oh. D'ailleurs, Blu-ray c'est mal écrit, mais bon. Vidéo 2000. Alors disons que le DVD j'en ai plus, mais le Blu-ray c'est une meilleure image. Après, dans l'ensemble, j'en m'en fous complètement. Dans l'ensemble, je m'en fous parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce que ça raconte pas à l'image. Oh. Monsieur. Excusez-moi. C'était Prout. Ah ouais. Pédophile. Ouais. Monsieur Jonjon. Avant les histoires. Oh, là là. Il n'est pas sortable, David. 87. Alors, si un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rien. C'est vraiment une question. C'est vraiment une. Non, c'est que pour les invités. Bah rien, rien, absolument rien. D'accord. Et donc, la dernière question. Le 48. Hop, 48. Ah, c'est une question de Randall Flagg. Oh là là. Pourquoi les tournevis des vis plus petits ont un manche plus petit alors que nos mains... attends. Je ne comprends pas sa question. Oui, hein. Non. Pourquoi les tournevis... Pourquoi... Non. Ah ouais. On peut tremper mille fois. Non, c'est pas ça. Tu veux que je te la fasse? Est-ce que je m'implique? Ça serait plus rapide de donner la réponse. Non, mais c'est facile. Pourquoi les tournevis des vis plus petites ont un manche plus petit alors que nos mains gardent la même taille? Le bricolage est une affaire d'homme. Faut poser cette question à un homme. Alors, pourquoi les pelles à tarte? Bon, est-ce qu'on fait une deuxième tournée de questions? Bah ouais, c'est le meilleur moment, là. Pour les autres, oui. Bon, ouais, on va faire un tour pour tout le monde. Donc pour Pépé, c'est le meilleur Pépé. Moment depuis qu'il est fait plus, quoi. La... Le 12. Le 12. Hop. Où vas-tu? De l'huile. ici. Allez, hop, à vous. Mathilde. 39. Alors, le 39... Pourquoi les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut? Question de Randall Flagg. Ce blocage. Putain, la question trop sérieuse d'un coup, merde. La tête de Mathilde, le blocage qu'elle a fait sur la question. Elle a perdu le sourire d'un coup. Pourquoi ils ne rétrécissent pas quand il pleut? Parce que ils ont un traitement, on ne sait pas, mais il existe des petites bombes style déodorant que les moutons se mettent, qui maintient la laine et qui la rend imperméable. Ah, il y a de l'effort. C'est un canard, en fait. Et du coup, voilà, il ne rétrécisse pas. C'est comme le shampoing, c'est pour le volume. Voilà, c'est ça. C'est impeccable. David? 33. Ouais. Flag, il lit vraiment le journal de Mickey. Incroyable. Comment fait-on pour se débarrasser d'un boomerang? Tu n'as pas le droit de dire jette, lance. Ouais. Tu le poses et tu te barres. Oui. bonne réponse. Pragmatique. Tu ne peux pas le jeter à la poubelle parce qu'il revient. Avec la poubelle en plus. Et oui, c'est un merdant du coup. Qui tourne en même temps. Ça le. Le kangourou qui va avec. Ludo. Le 56. Toc toc toc. 56. Toujours du Randall Flag. Il les a toutes faites. C'est ça. Si des bébés caucasiens mangent avec des petites cuillères, est-ce que les bébés asiatiques mangent avec des cure-dents ? Des petites baguettes. Ah merde. Cure-dents. Ah merde. C'est raciste. Ah bah merci. Merci Flag. Hein. J'aurais tendance à dire que non. En fait, ils mangent avec ce qu'on leur donne, quoi. Des lacets de chaussures. D'accord. Des Nike. Monsieur Tocheux. Déjà, ils mangent quand ils ont fini leur journée de travail. Ouais. Ah, ils mangent pas souvent alors. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce que je peux pas dire ? Bah, vas-y. On va voir si t'as une bonne mémoire. Qu'est-ce que je peux pas dire ? Le 7, le 17. Le 18, le 33. Et le numéro complémentaire. 48, 39. Le 87. Le 48. Ouais. Si vous avez joué, La 2. Ah, quel est le dernier livre que tu as lu ? La biographie de Jennifer. T'as été marqué, toi, quand même. Ouais, quand quelqu'un te dit sérieusement, j'ai lu que deux livres dans ma vie, c'était la biographie de Jennifer. Déjà, il en manque un. Vu le niveau culturel de la personne. Mais ça se trouve, elle l'a lu deux fois. Mais oui, elle c'est considère fou, que ça fait deux bouquins. Du coup. C'est fou. Qu'est-ce que j'ai lu le tout dernier que oui. J'ai dû finir jeudi soir, je crois, c'est la démocratie des crédules de Gérald Bronner. Gérald Bronner, voilà. Mais alors ça, c'était pour les besoins du podcast. Juste avant, j'ai lu notre cause commune d'Étienne Chouard. Voilà. Tous ceux qui écoutent ça pourront donc maintenant me classer de complotiste. Bravo. Bravo. Et je les emmerde. Édouard Philippe, non, pas forcément, parce qu'apparemment, aujourd'hui, Étienne Chouard est assez médiatisé. Alors, on est au mois d'avril, donc peut-être que ça a changé. Depuis, peut-être que maintenant, c'est notre nouveau président. Après Nicolas Hulot. Voilà, avec Nicolas Hulot pour Premier ministre. Mais non, il fait le tour des... il est sur la place publique uniquement parce qu'il apporte un semblant de soutien aux Gilets jaunes. Voilà. C'était le coup de gueule. C'est ça. Mais moi, je sais faire que ça, moi. Ça Monsieur Jonjon, je juge pas les gilets jaunes. Non, mais juge-les, mais fais-toi appeler François Berléand, ça marche. Il nous casse les couilles. Monsieur Jonjon. 86. Oh, le jeune. C'est de qui ? C'est de Flag, c'est à tous les coups. C'est en fait, c'est les réunions de Podren. Merde. Les questions de réunions de Podren l'année dernière. Là, je comprends. Quel est le contraire d'Alfred ? Pardon ce blanc dans les yeux, quel est le contraire d'Alfred ? Non, j'ai fini la question. Hein. Ah ouais ? Ouais. C'est ça. Nous aussi, on a la réponse. Moi, je l'ai. Non, je l'ai pas. Je vois pas. Bah, merci, Jonjon. Alors, David, c'est quoi la réponse ? Ah, ça, je la donne pas. Venez à Podren 20 et 21 avril. Ouais, mais j'y étais. C'est... Mais non, pas au bon moment pour moi. Monsieur Grandalf. 89 ? Dans quel pays les gauchers applaudissent-ils d'une seule main ? Alors là, je l'ai pas. Ah, c'est bien les réunions de Podren, hein, à la fin. Ah, vous passez des putains de bons moments, quoi. C'est vrai, hein, on est chaud. Ah, je vois pas, tu sais, là, c'est dans les pays communistes, vaut mieux applaudir des deux mains, sinon après, ça peut mal tourner, mais je vois pas. Croisophonie. Le pays de Philippe Croison, ils n'applaudissent que d'une seule. Ah, même pas. Ils avaient les moignons. Valérie ? Oui. 50. Alors, de quelle couleur est un schtroumpf qu'on étrangle ? Rendez la flag. Voilà, couleur, un indice, il est japonais. Rendez la flag ou le schtroumpf ? Oh, les deux. Mais Randall Flag, il voit de quelle couleur les schtroumpfs ? Est-ce qu'il les voit ? Parce que le bleu, il voit peut-être à travers. Ah, on ne sait pas. Ça va virer au rouge à un moment donné. Hein. Violet. Ou violet. Ouais. Avec le bleu. Ah oui. Niap, niap, niap. Et pour finir, tout finish à ce tour. Non, on terminera par toi. Non. C'est j'ai les questions devant moi. Je connais déjà la question, donc je prends la 93 et je réponds parce que c'est des bâtards. Ah, effectivement. Parce que c'est une question de Asto. Parce que c'est une question de moi-même. Donc c'était pourquoi les moustiques font moins de bruit quand on allume la lumière. Et toi, Zertov? Moi, non, tu choisis pas. Non, oui, j'ai changé d'onglet. La 22. Allez. 22. Pourquoi tout attaché s'écrit séparé alors que séparé s'écrit tout attaché? Alors j'ai une réponse, parce que c'est une question de Ronald Flagg. Voilà. Bravo! Ouais! Ah, c'est comme les gangbangs, on s'applaudit à la fin, c'est ça, c'est bien. Maintenant, on va passer au dos quiz de Gandalf. Et jamais on a fait ça! Nous, non, mais justement. Mais... Bah non, c'est... non. La vraie expression, c'est on s'applaudit après l'orgie. Oui, merci Kenninette. Voilà. Donc, du coup, le dos quiz de Gandalf, et je retrouve son jingle. C'est le moment de Gandalf ? Oui. Ouais, allez au lit, monsieur. Je vais pisser. Bon, allez, je m'y vais. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Il a failli avoir un jingle complet. Hein. C'était pas loin. Au début, on y a cru, franchement, à ce jingle, Kevin, son entièreté, mais... Non, c'est les voix, en fait. Il y a certaines voix qui sont coupées. C'est comme un peu, hein. Si ça pouvait être celle de Gandalf. Faites quelque chose pour Podren. Si vous faites bourrer les dons. Pourvu qu'il vienne en 737 max. Je viendrai vous hanter, même à travers même post-mortem. Il sera là en train de préparer la salle et boum. Oui. Ah, c'est bon. Ah, bah ça va être une bonne session. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vais vous... Alors, un mois d'avril, alors normalement, le mois prochain, alors, ouverture en cours, mais... Bon, bref, va falloir voter. Enfin, valoir. Vous pouvez voter ou pas, mais après... Si on veut. Si on veut, voilà. C'est du français, Ah oui, oui, oui. Maintenant, va falloir voter, là. Ah non, c'est le mois prochain. C'est-à-dire que là, on est au mois de mars. Mais en avril, non, mais dévoile pas tout, on est en avril. Merde, j'ai caché tous les... On est le 20 avril. Ouais. Le 20 avril. J'ai pourri tous les trucs. Cet épisode est enregistré. Et donc il va falloir peut-être aller voter ou pas. Donc ce sera les européennes. Non, au mois de mai. Non, au mois de mai. C'est une très bonne excuse. C'est bon, on a un adepte du comique de répétition. C'est bon. Viens, Ludo, on est en retard. Viens. Et pour être précis, ce sera même le 26 mai. Il faudra peut-être aller voter ou pas, parce que vous faites comme vous voulez. Après, je ne juge pas. Menteur. Alors, ce sera donc les européennes. Mais pourquoi finalement on vote finalement? Pourquoi c'est le moment un peu intelligent de ce podcast. Pour les européennes. Voilà. Pour élire des représentants qui nous spolient. Ou alors c'est un placebo. Voilà, on ne sait pas. Le groupe? Donc, oui. On va déjà commencer par des premières questions. Dans les européennes, donc c'est forcément pour l'Union européenne. Hein. Je ne vais pas vous faire, faire un topo. Mais alors, combien il y a de pays dans l'Union européenne, ça, vous le savez? 27. Hein? 27. Ah, c'est pas encore, là on est dans le futur, là pour l'instant. Ah oui, on c'est est vrai, un peu. L'Angleterre, mais de toute façon, non, ils ont pas fait partie. On sait pas, on est un peu. Day au futur past, on sait pas. C'est entre 1 et 93. Oui. et par exemple, si je vous dis la Finlande. Ça n'existe pas. En quelle année elle est rentrée dans l'Union européenne? Édouard Philippe Ducam, quand même. Au début. La Finlande, non? La Finlande, non, pas du tout. Pardon, quelle est la question? La Finlande, en quelle année elle est rentrée dans l'Union européenne, par exemple? Je vous cite de quelques pays pour. 92 Blanc. Non, c'est plus un peu plus. Donc, plus récent. Ah Finlande, ouais plus récent. Ouais. Plus 92. 95 95, c'est ça, tout à fait. Et est-ce qu'elle fait partie de la zone UE? Mic drop. Oh, je peux faire un mic drop maintenant. La PlayStation et tout. Ouais. Est-ce qu'elle fait partie de la zone euro? Non. Ah si. Ah si. Si, si, Finlande, ils ont l'euro. Ah bon? Ah, bien sûr. Alors, c'est lequel qui. La Suède, la Norvège. On n'a pas d'argent. Ces enculés britanniques. La Norvège, les États-Unis. La Norvège, ils ne sont pas dans l'Europe. Le Mexique. C'est le piège. C'est la Norvège. La République tchèque, par exemple. Quand est-ce qu'ils sont rentrés? C'est au début. Vachement plus récent. Non, après la deuxième vague. C'était encore la Tchécoslovaquie. Ah, ça, j'ai pas noté ça par contre. Alors, petite question, comment tu définis Europe? Ah, c'est l'Union européenne, l'Union européenne. Mais c'est pas le territoire. Ouais. Voilà, c'est pas le territoire. Ah oui. C'est pas genre la Suisse, l'Ukraine. Non. Donc ça, la Suisse, c'est en Europe. Comme l'Australie. Géographiquement, oui. Union économiquement. Il y a de l'argent en Europe alors. Ah oui, donc c'est vraiment une langue européenne. Tu vas parler dans ton micro parce que tu commences à m'énerver. J'aime bien parler de loin, ça force les gens à porter l'oreille. Déjà qu'on n'entend pas les jingles. Si on n'entend pas les voix. Donc, la République tchèque. Oui. Enchantée. Personne n'a répondu. Alors. Ça va être encore plus récent. Mais c'est quoi la question? C'est quoi le but du jeu là? Voilà. Non, c'est à 2000, on se rapproche. Plus enfin, non, c'était en 95. Voilà. Du coup, la République tchèque, ça doit être plus fin 90, 98. C'est toujours pas ce qui est le contraire. Un peu plus, non, non, plus que ça. Plus non. Encore non. C'est en 2001. Mais il y a eu Spider-Man encore temps. Un petit peu plus. 2005. 2002. Bah, 2004. 2004. Est-ce que ça fait partie de la zone euro? Oui. Non. Bah, pas du tout. Non. Non, non. Ils ont la couronne. Les lapins. C'est leur monnaie, c'est la couronne. Ils ont un roi. Ouais, c'est ça. Non, ils ont des dentistes. Mais tiens, par exemple, l'Autriche. L'Autriche, oui. Ah bah oui. Ça fait partie, mais moi, ils sont dans la zone euro, l'Autriche. Ça, c'est sûr, certain. Ils sont rentrés... assez tôt. 95 aussi. Ouais, c'est ça, 95 aussi. Ah ouais, merde. Ouais. J'aurais dit plus vieux. Ah, 95, non. Ah, 2004. Je vais poser deux questions qui pourraient être... Voilà, plus intéressant. Donc on a par exemple la Grèce. Oui. Quelle est ta question? La Grèce pour l'interrogation? Oui, la Grèce pour l'interrogation. Dans le pâté, pourquoi pas? Bon ou mauvais cholestérol? Le Sirtaki. Georges Moustaki. 95. Tsipras. C'est plus ancien. La Grèce, 90. Ah ouais, c'est ancien la Grèce. Oui, c'est, je confirme, c'est très très ancien la Grèce. C'est à peu près antique. C'est mythologique. Elles sont cons tes questions. Débile. 92 alors. Plus ancien. 90. Le Parthénon. Ouais, 90. Plus ancien. 87. 80. Plus ancien. 80. 85. Non, je l'ai pas entendu. C'est pas quand ils ont été champions d'Europe. C'est-à-dire. Alors du coup la question c'est est-ce qu'ils ont été champions d'Europe? C'est la même année où l'Australie a gagné l'Eurovision, c'est ça? Oh non, plus ancien. 50. 78. 218. 78. Un peu plus récent. 80 alors. 79. 80. Un petit peu plus. À 81. 81. 1er janvier 81. J'ai l'impression d'être dans le juste prix. 81. 1981. Oui. Ah oui, c'est très vieux. Ah oui, on parle de la Grèce. C'est grâce à... Alors, c'est en 80. En 81, elle était là, c'est sûr. C'est grâce à Mitterrand, tout ça. Mais il était là aussi. Il était encore là. Et si je vous dis, par exemple, alors, pas, ça c'est pas un moment fondateur, du coup, mais, j'ai dit du coup, d'ailleurs, le Royaume-Uni. Oh, les casse-couilles, bah, ils comptent plus, de toute façon. Eh ben, pas du le tout. Cri du cœur, oh les casse-couilles. De toute façon, ils comptent plus. Oui. C'est assez récent et ils sont restés hors zone euro. Mais oui, ils sont hors zone euro par contre. Oui. Ils sont là depuis pas 2010. Oh non. Oh non, c'est quand même bien avançant. C'est deuxième vague, je crois. Les années 5. En plus récent. Non, non. 2000 80 Plus ancien 70, hein, c'est dans les années 70. Début années 70 72. Un peu plus 73. C'est pas hyper récent. T'as qu'à dire que Randall est vieux. On n'oserait pas, on n'oserait pas. Ouais, il est vieux. Si, voilà, moi j'en vois un qui va oser, oui. Il est né bien avant ça, même. Bah, comme la Grèce. Hein. D'ailleurs, on se demande s'il va tenir. Mais il était très pote à l'école avec Platon. Si avec Socrate. Avec Diogène. J'ai dit que Randall était pas hyper récent. Là, la question c'est de savoir si le Royaume-Uni sortira de l'Europe avant que Randall sorte de la vie. Tu crois que les députés vont voter pour ou contre ou pas? Nous, on a voté pour. Nous, on est partant. Ah, ouais, faut bien un peu. Alors, les membres fondateurs, donc c'est en quelle année? Donc, on avait la Belgique, on avait la France, on avait l'Italie, on avait le Luxembourg, etc. Il y avait quelques pays comme ça. Il y avait les Pays-Bas, c'était en quelle année? 60. C'est pas 56. 57, tout ça. Ah, exactement. C'est le traité de Rome? C'est ça. L'Eurovision. Le traité de l'Eurovision. Le fameux traité de l'Eurovision. Avec Conchita à la présidence. Aussi appelé le traité Conchita-Wurst. Le traité Wurst. Mais il faut savoir qu'en fait, l'Union Européenne, ça avait commencé un petit peu avant aussi, à partir de 1952. Ouais. On avait déjà ce qu'on appelle des prémices, donc on avait déjà à l'époque un parlement. En 1952, alors il était encore un peu balbutiant, mais avec les années, il a évolué. Bon, ça fait déjà pas mal d'années en fait, qu'on vote pour un Parlement européen. Je lis, alors parce que quand même, ils ont des droits, ces trucs, ils font des choses. Donc c'est le Parlement européen permet aux citoyens de l'Union européenne de participer directement à la politique européenne. Les citoyens européens élisent leurs élus dans leur circonscription nationale pour une période de 5 ans. Ça, vous avez appris déjà que ça va. Pour l'éclectisme. Et après, les députés vont pendant cette même période représenter au niveau européen les intérêts de leurs électeurs. Sinon, ils servent à rien. C'est encore la question. Mais ils servent à rien. Il se trouve que, à part avoir des faux assistants parlementaires, c'est utile pour les impôts. C'est utile pour les impôts, peut-être. Pour eux. Ah oui. Et si je vous demande combien on a de députés ? Du coup. Trop. 42. Dans toute l'Europe ? Oui, au global. Vous allez voir que c'est. 300. 250. Le double. 500. 600 députés. Plus. 700. 650. 700. Le double de 800, 300, en fait, 750. Du coup. 750. Le double de 300, ça fait 600. Même elle, elle avait juste. Oui, je me suis pas trompée. Hein. Non, mais c'était... 600, le double, 600. Bravo, Mathilde, quand même. C'est énorme pour elle. Merci. C'était pour faire... Hier, on était quand même à 2 x 6, 16. Hein. Donc bon, c'est déjà bien. C'est des Easy Diamond, moi, je veux bien, 2 x 6, 16. Non, non. Donc, en fait, on a 751 députés. Alors, je sais pas s'ils en fait plus que de Pokémon. 751, c'est ah oui. un truc à virgule. Non. Pokémon, non, parce que des Pokémon, maintenant, il y en a 800, non ? Ah, c'est-à-dire qu'il y a plus de Pokémon que de députés. Ouais. Il n'y a pas Pikachu au Parlement. Il y en avait 751 à la... Pokémon n'y est pas non plus. Pikachu. Il y en avait 751 à la dernière gêne, mais maintenant qu'ils ont annoncé un nouveau. Moi, je note au passage que les Pokémon ont beaucoup moins d'influence sur l'Europe. Oui. C'est bien dommage. Ils ont fait sortir plus de gens dans la rue. Oui, voilà, parce que gilets jaunes. Tu peux pas chasser le député. Surtout les jeunes, ils ont fait sortir. Ils ont. Ils ont pas encore fait député go, mais ça va bien. Trouve ton député. Ouais. Pokémon a réussi à mettre les jeunes dans la rue, c'est à noter quand même. Oui. C'est Nias. Et chômeur. Et le Parlement européen, où c'est qui siège ? Bruxelles. À Bruxelles. Non, Strasbourg. Eh bien, il y a un peu de tout. On a il déménage une fois sur deux. À Bruxelles, et on a le secrétariat aussi, général qui est au Luxembourg. Ouais, c'est ça. Hein, voilà. C'est par hasard. Voilà. Des putes. Coucou, docteur Zaius, si t'as du stock. Juste après ça, on avait le... La défiscalisation. On avait le Conseil de l'Union Européenne. Le Conseil de l'Union Européenne. C'est pas le Conseil Européen, c'est le Conseil de l'Union Européenne. C'est pas la même chose. Pour vous dire, quand même. Jean-Michel. Mais tout pour nous empêcher. Ah oui, le Conseil de l'Union, le Conseil européen. J'ai appelé, quand je dis ça, il n'y a même pas d'ironie parce que c'est vraiment ça. Le quiz de Jean-Michel Apathy. Les gilets jaunes, c'est les cons. Hein. Alors, le Conseil de l'Union européenne est l'une des instances décisionnelles principales de l'UE. C'est un organe législatif. Conjointement avec le Parlement européen, il crée la législation européenne en adoptant les propositions que lui soumettent la Commission européenne. Parce qu'on va parler d'autre chose. Oui, mais c'est la Commission aussi. Voilà. Ils exercent également conjointement avec le Parlement la fonction budgétaire. Parce que les sous, quand même, ça compte. Il y en a de l'usine à gaz. Voilà. Donc, ouais. le Conseil de l'Union est l'organe représentant l'intérêt général des gouvernants et des États membres de l'Union européenne. Donc, voilà. Vous allez bien comprendre qu'il y a 28 membres, c'est ça. Il réunit les ministres des 28 pays membres, un représentant par État. Les ministres ne se réunissent pas de manière systématique, donc c'est pas tout le temps, voilà, ni de manière régulière, une fois par mois, en fait, un peu quand ils ont envie, mais en fonction de la question, voilà, à l'ordre du jour. Ainsi, s'il s'agit de l'agriculture, ce sont les ministres de l'agriculture qui arrivent, forcément. Voilà. Donc c'est en fait le Conseil de l'Union européenne, en fait, c'est, si il faut parler d'économie, on envoie le... C'est les Avengers des ministres de l'agriculture. C'est le même scénario, pareil. Pareil, tout pareil. On n'avance à rien. Il y en a qui meurent, ils sont remplacés, c'est tout. Moi, j'ai lâché la question sur la Grèce. Est-ce qu'on est interrogé à la fin, du coup Non, c'est... Ah, on peut se barrer. Je peux aller faire pipi. Ah, vous pouvez, je ne dirai rien. On y va tous. Vous me donnerez vos notes. Et en fait, il faut savoir que le Conseil de l'Union européenne, en fait, il est présidé par semestre. Mais qui est cet homme ? Voilà. Gérard Semestre. C'est qui Semestre ? C'est qui le Maître ? Mais qui est ce Gérard Semestre ? De quel pays vient-il en ce moment ? Quels sont ses réseaux ? La France. Non, ce n'est pas la France. Ah, c'est pas la France. La Belgique ? Ce n'est pas la Belgique. La Suisse ? Ce n'est pas la Suisse. Ouais, le Royaume-Uni ? Ça serait marrant que ce soit le Royaume-Uni. Ah non, ça aurait... Bon, non. Ça aurait été drôle quand même. Reste l'Allemagne ? Non, c'est il y a 28 pays, vous trompez longtemps. La Turquie ? Non, l'Australie. C'est la Roumanie. Ah. Ils y sont, eux. On va putain en faire entrer n'importe qui. Ça part de chez ça. J'approuve. Donc après, on a la Commission européenne. Ça, ça a été créé à partir de 1958. Alors, la fonction principale de la Commission européenne... Elle est comment, européenne... la Commission? Elle est petite? Elle est importante. Ça, ça, dans quel matériau? En bronze? Ça dépend des besoins. Ça dépend de plein de choses. Donc, la fonction principale de la Commission européenne, c'est pas de faire caca, bien évidemment, et de proposer d'initiatives législatives. Oh merde, c'est vrai, j'avais le doute, moi. C'est de nous faire chier. Et fait. De mettre en œuvre les politiques communautaires. Elle est gardienne des traités, entre guillemets. Elle veille à leur application et jouit. D'accord, c'est les gardiens de la galaxie ce coup-ci. Putain, je suis paumé dans un. D'un quasi-monopole du droit d'initiative. C'est quand qu'il est Superman. Oh, bah tu sais. Comme quoi, Avengers, ils ont juste pompé les. Les scénarios de l'Union Européenne. Junker, tout ça, ils ont tout pris. Hein. Une histoire de pognon, tout ça. De toute façon, c'est Disney qui va racheter l'Europe au final encore. Donc en fait, la Commission, c'est vraiment eux qui décident les grosses directives. Donc c'était eux, le traité de Rome. Enfin, à partir du traité de Rome, c'était eux qui prenaient, pardon. La... J'ai failli polémique. Écarte-toi du. Ça fout les champs. Oui, alors. Et je me balance. À partir de 1557, voilà, qu'on commençait à voir tout ça. Donc, c'est eux qui décident, par exemple, la PAC, tout ça, etc. D'accord. C'est eux qui se mettent un peu d'accord, quoi. Pour le budget. Bon, là, c'est pas... Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Le Conseil européen. S'il n'y avait pas, c'est de merdier. À croire. Donc, le Conseil européen est une institution qui réunit les chefs d'État ou chefs de gouvernement des 28 et en fait 27, ils ont précisé. Parce que, alors, si on savait pas que... Parle dans ton micro. Parle toujours dans le micro, parce que si d'un coup, ouais. Tu parles à côté, ça fait très bizarre. Dieu. Et forcément, c'est les États membres de l'Union européenne sous la tutelle d'un président chargé de faciliter l'apparition d'un compromis. D'accord. Moi, c'est un peu. Alors, je suis comme Ludo. Moi, je me suis arrêté là. Voilà. Hein, parce que là, même la définition, je suis pas ouais, sûr. Non, je suis non. Moi, je suis bloqué sur la marque de saliseuse, Booking. Booking.com, un truc dans le genre. Mais c'est tout ce que j'ai suivi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quelqu'un qui suit au moins. J'ai vu un truc. Ouais, c'est bon. Et au moins 4 conseils européens, sommets ou sommets européens, se déroulent chaque année, dont 2 en juillet et en décembre. Ouais, exact. C'est bien, t'as juste. Tu vois ? Bravo. Félicitations. Bon, rubrique suivante, s'il vous plaît. Oh, les tueurs de chroniques. Et c'est pour ça que je fais des chroniques comme ça, au moins on se marre. Ouais, mais toi, t'es con, tu sais qui vient, tu nous fais un truc sur l'Europe, quoi. Mais tu vas te faire démonter jusqu'à la fin. Mais je sais que justement, c'est ça qui va être drôle. Bon, Marc, tu me diras, tu mérites. Bah voilà. Ouais. Bah tu vois, de me faire démonter, je mérite toujours de me faire démonter. Quand même, le podcast de vieux cons, il y a plein de bières, on est tous moitié beurrés. Bon, on parle tout à fait encore. On parle de l'Europe. Mais dès qu'on a l'occasion, l'Europe, ils servent à rien, les députés sont payés comme des merdes. Ah ça, je sais pas comment ils sont payés, par contre. Alors, quand tu nous expliques comment ça marche, qui devrait être passionnant normalement, on s'en fout, hein, quand même. Non, mais c'est surtout qu'ils devraient expliquer que nous, on avait dit non et qu'il y en a qui se sont chargés de dire oui à notre place. Oui, c'est plutôt ça. Mais c'est oh, ce là, passé, là tu après. Fais de la politique. On va encore parler d'Étienne Chouard. Exactement. Allez, c'est ce qui s'est passé avec le Conseil européen. C'est ouais. Lors du sommet de Madrid en 1995, par exemple, que les 15 chefs d'État, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 15, ou de gouvernement, ont adopté définitivement le principe de passage à l'euro en 1995, le 1er janvier. 99, et c'est lors du sommet européen de Bruxelles en 2007 que le Conseil européen a pris la décision de relancer le processus institutionnel en veille depuis le non des Français et des Néerlandais au projet de traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005. C'est là qu'en fait qu'on s'est fait arnaquer. On a dit sur non. Le fameux traité de Lisbonne. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on s'est fait arnaquer, mais voilà. Donc après, on a un beau traité. Alors, on a forcément un beau Parlement, et je vais vous dire les noms des gens. Les 752. Non, pas les 754. Je vais vous 51. Dire les gens. Alors, premier violon, Massimo. Est-ce qu'il a des lunettes? Soliste. Pas de lunettes. Deuxième violon. Par exemple, pour le sud-ouest. Alors, au sud-ouest, alors chez Jean Lassalle. Non, alors, sud-ouest de la France alors, pour l'Europe, le sud-ouest de le sud-ouest de la France, pour l'Europe, ça reste Bordeaux. Toulouse, Montpellier, grosso modo. D'accord. Okay. Ah, ouais, Montpellier, ça fait comme non, très c'est, sud c'est... de. Oui, mais attention, on est au sud-ouest de l'Europe. Il bah, faut le voir à l'échelle de l'Europe. Ça délimite, voilà. Hein, tu fais Montpellier-Bordeaux, voilà. T'as... Ouais, mais du coup, c'est le sud-ouest t'as de l'Europe. Sud-ouest, quoi. Mais pour la France, du coup, oui, c'est pas sud-ouest de la France. Ça fait bizarre le découpage. Ouais, oui. Alors certains seront partis en cours de législature, mais par exemple, on a Louis Alliot du Front National. enfin du Rassemblement National. Oh, il est très gentil. Voilà. Ah, les racistes, les fameux. On a bouffé ensemble l'autre soir, hein, c'était un peu limite quand même. C'était un couscous. oui, oui, c'était même sa femme qui avait fait la semoule. C'était à Noël. C'était sa femme la semoule. Le gars n'est pas un couscous. Non, ça, sa femme, c'est un flan. On a par exemple Michel Alliot-Marie. C'était pas déjà lui. Est-ce qu'il y a un rapport avec Louis Alliot? C'est que des Alliot en fait. Gérard Alliot. Robert Alliot. Jean-Michel Alliot. Il y a pas un peu d'Aligo aussi? Ah. Pour Europe, oui. Pour... Il l'a bloqué là. Ouais, ah, faux suspense. Mais pour Europe Écologie Les Verts, ouais. Qui c'est qu'on a comme député? Monsieur Aligo. Eh ben joli. Non. Attends, mais ça existe Europe Écologie Les Verts? Jadot. Ouais. Ah non, il a la stache mou. ELV. Ah, Bové. Edoui Plenel. C'est José Bové. Ah, si José Bové. C'est quoi le rapport avec l'Aligo? Mais il l'avait. Il est avéronné. Ah d'accord. Le fromage, évidemment. Oui. Ben il aime ça. C'est quand même en train de partir super loin là. Moi, je vous signale que je suis encore resté bloqué à la Grèce. Hein. On y est tous les deux. Ouais, on y est tous les deux. Il y a David aussi. Ah ouais. On est tous les trois avec les fautes d'étresse. Ouais, on adore les Grecs. Complet surtout. Hein. J'ai un ami grec. Ouais. Big up à tous les Grecs. Ah, Mykonos. T'as un ami qui s'appelle Konos? Poursuis. Oui, non, mais t'inquiète pas. Hein. Ouais, j'ai bien fait ça avec Philadelphie une fois, c'était vachement bien. Ouais, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé la BO surtout. Ah ouais, elle est magnifique. Ouais. Ouais. C'est pas un petit peu triste, Philadelphie. Par contre, ces histoires de. Non, non mais il y a une profondeur, franchement, moi, j'ai bien aimé. Quand tu le regardes, tu peux beaucoup rigoler. Ouais, plus près du micro. Mais je dis de la merde. Il y en a quand ils souffrent, ils sont. Ouais, mais dans le micro. Ah oui, non, mais moi je savais qu'en faisant ça, c'est pour ça qu'on rigole un peu. Christine Boutin s'est bien marrée tout le long du film, elle était super contente. Elle a demandé s'il y avait un Patreon pour financer. Alors, il est toujours Ronchon. Mélenchon. Oui, mais c'est Tocheux. Il était député au Robert. Tocheux, ça marche. Ouais, mais tu vois, moi je prends ça pour un compliment. Tocheux, ça marche. Député du Sud-Ouest, il est Mélenchon. Il était. Ah, il était. Après, il a refilé la place à quelqu'un. Ah, oui, oui. Enfin, il allait pas perdre la place. Parce qu'il faut trouver des gens, mais même qui y sont pas. Et ben, en fait, pas comme, pas. Il est devenu député de la nation. La dernière fois qu'on a dit ça, Valérie. Ils sont partis. Ils sont partis. Tu comprends, concentre-toi un peu parce que tu fais chier là. Elle a envie tu de manger. Tu vas boire à la maison, hein. Ça va filer droit. Elle se dit, putain, c'est que la première émission. Il me casse les couilles tout de suite, on s'en va. Mets ton manteau. Et pour l'Ouest, donc je voulais un peu concerner Rennes, tout ça, tu sais, parce qu'on va on y est là, on est à Rennes. Ah, ah Le Drian. Non, c'est pas voilà. Le Drian. Il était anciennement PS ouais. Et maintenant il est... Comment ça s'appelle? Il est France Insoumise. Coquerel. Il ressemble beaucoup Mélenchon. À... Il ressemble... Mélenchon. Il ressemble beaucoup à François Hollande. Coquerel. Non, c'est pas Coquerel. Mais personne. Mais attends, François Hollande, il ressemble à rien. Non. Comment tu veux qu'on lui ressemble? Un flambi. Oui. Ah. Ben Emmanuel Morel. Ah ben oui, bien sûr. Ah ben oui, on connaît. Le fameux. Mais François Morel. Même. Ouais. Qui a quand même beaucoup plus de talent. Voilà. Oui, Miles Morales, mais. Tu vois, peut-être qu'il est très drôle dans sa vie privée, Emmanuel Morel. Peut-être. Enfin, il s'appelle Emmanuel. Ouais. Nous, on en connaît. Hein. Mais par exemple. J'ai vu le film. Les films. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a quatre. Ah, je suis pas le quatrième est en 3D. Oh. Je note. Le siège en retard. Et je m'en félicite. Alors là, ceux qui n'ont pas connu les guignols de l'info ne peuvent pas comprendre. Non. Ouais. Bande de nazes. Et dans l'Ouest, on avait aussi... Ouais. On avait par exemple aussi Jean Arthuis. Je pensais qu'il était mort, mais... Jean Arthuis Bertrand. Qui sont ces gens? T'as une photo ou... Oui. C'est un peu les visuels. D'accord, c'est que moi, je connais. Donc c'est vrai qu'ils sont censés être un minimum connus. Parce que, par exemple, pour Europe Écologie Les Verts, qui c'est, d'après vous? Ah, celui-là, il s'est représenté. Noël. Il se représente. Noël. Brice Lalonde. Non. Noël Tanner. Yannick. Jadot. Noah. Ah, bah Noah. Yannick Noah. Nyanga. Yannick, Nyanga. Ah oui, là j'approuve. Yannick Nyanga, j'approuve. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'il vous reste après? Ben, plein de parties. Parce que, en fait, Attends, c'était Yannick qui? Ben, Jadot. Il a dit le monsieur là-bas, Pépé. Excusez-moi, j'ai Véronique Jadot. Ouais. Faut suivre Toucheux. Faut se déposer café. Mais faut suivre Toucheux. Tu suis rien. Il n'y a que nous qui sommes concentrés avec nous depuis le début de la réunion. Non, non, nous on est toujours bloqués à la Grèce. Hein. Il annonce des gens, oui. Là, il prendrait un annuaire. C'est pareil pour moi. Non, le botting. Il te dit un nom, puis là. Le botting. Il te dit un nom, puis après il te dit en fait non, il n'y est plus. Pour l'intérêt. Pour l'intérêt. Il y a Micheline un jour, elle est passée. Tu la connais pas ? Elle est passée comme ça. Elle a c'est vachement intéressant. Elle a voté, c'est vrai. Ouais, elle a visité. Donc, par exemple, vous pourrez voter, parce qu'il y a du monde quand même pour qui vous pourrez voter, parce qu'il y a beaucoup plus de... Ah, il y a des noms cette fois. Ah, on en manquait. Vous aurez par exemple la France insoumise et la gauche républicaine et socialiste, parce qu'ils ont fusionné leur liste. C'est Manon Aubry. Bon, je ne sais pas si certains connaissent. Encore Aubry, putain. Je connais Manon. C'est pas de la même famille. Voilà. Non. C'est pas la même famille. Caramazon. Pour le parti. aucun lien, fille unique. Voilà, pour le Parti communiste français, vous aurez Yann Brossard, par exemple. Ah, mais oui. Vous avez peut-être vu le papa. Ouais. Bon. Il s'appelle. Son papy faisait des gâteaux. C'est le petit-fils. C'est le petit-fils de. Le petit-fils Brossard. Vous pourrez voter aussi pour le printemps européen. Là, c'est Benoît Hamon. Non, si vous voulez. Ah oui. Attends, Benoît Hamon fait encore de la politique. Ça me dit vaguement quelque chose. Printemps européen. Ouais. Et c'est quoi Alors, en fait, c'est le printemps européen. En fait, si vous voulez, c'est les. Il y a des partis au niveau européen. Et tu peux te réunir pour avoir plus de poids dans la. C'est le printemps arabe, mais à la française, quoi. C'est ça. Mais version européenne. Gilet jaune. Benoît. Oui, moi aussi, ça me rappelle un truc, mais je sais plus quoi. C'est un mec, il a été mort politiquement, lui, mais bon. Visiblement, pas assez mort, mais bon. C'est pas lui qui est passé l'autre jour. J'ai un doute. Non, c'était pas lui, je sais pas. Celui qui t'a c'est le grand blond. Il t'a récupéré du clopipo, non? Non, j'ai pas beaucoup de demandes pour le clopipo. Ah, bah, c'est pas lui. Oh, bah, c'est merde, de toute façon. Et il avait plus que 6% de batterie sur son portable quand on l'a croisé. Oui, je crois que c'est ça, oui, effectivement. Mais en plus, oui, il avait sa charge rapide qui était morte, donc non, il était vraiment dans la merde, ce gars-là. Ouais, il était vraiment dans la merde. Mais putain, il a une tête, mais honnêtement, je saurais pas te dire à quoi ça ressemble. Peut-être à François Hollande. Nous rappelle. C'est vrai, non, il était très bien. On aurait dû voter pour lui plutôt que pour Marine. Elle est bien, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Je trouve ça élégant, bien amené. C'est beau. Bah, tu sais, on nous demande de voter. Il y a une femme, on a pitié. La parité, ouais, voilà. Hein. Merde, faudrait savoir aussi. Pour une fois qu'elle sortait de la cuisine. Bon, vas-y, continue ton truc. Alors, la Grèce. Ou la Finlande, c'est au choix. 95. 2004. Okay, voilà, tu te tromperas pas. Après, on a le Parti Vert Européen, donc c'est Europe Écologie Les Verts, donc on a Yannick Jadot, et on a Michèle Rivasi, c'est celle qui dit que les... c'est celle qui dit qu'il faut se faire vacciner, mais que quand l'épidémie a vraiment commencé. Ah oui. Ah. Ça, c'est pas drôle. Bah oui. Attends donc, tout le monde. C'était pas la conseillère à Bachelot. Probablement. Donc après, j'ai pas toujours les noms, mais bon, il y a les radicaux de... Ah, bah c'est dommage. Non, mais les noms des gens... Ceux qui écoutent à plus les 20 comprendront, j'ai pas toujours les noms. Hein. Bah non, en fait, on est au mois de mars et c'était... Oh merde, on est en avril. Ça aurait été dommage d'être trop précis dans ta réponse. Puis de toute façon, vous le connaissez. Non, en fait, c'était pas arrêté, tout simplement, les noms. Il y avait Michel Palourdio. Voilà. Ouais. Il y avait Jean-Louis David, les radis. Alors on a par exemple. Il y avait le David. Bah oui. Il y avait le Lopez aussi, je crois. On avait. Vous pourrez voter pour les radicaux de gauche. La rép. Les radis. T'arrêtes à radis quoi, parce que. Vous pourrez voter pour les radis. Radicaux de gauche. Vous pourrez voter aussi pour La République en Marche, bien évidemment. On sait toujours pas qui c'est la tête. Continue ta rubrique, vas-y. Le mouvement radical, social et libéral, ça c'est précis. L'Union des démocrates indépendants, Agir. Les Républicains, les Amoureux de la France. Les lobbies de la chasse. C'est un parti européen, ça, les Amoureux de la France. Oui, les Amoureux de la France. Du coup, ils sont pas très européens. Ouais. Les Patriotes. pêche, chasse et tradition. Ouais. Attends, t'as dit les Patriotes, juste avant, t'as les Amoureux de la France. Ouais. C'est du Front National. Wow. Ça fait redite. Hein, non, mais là, je suis à l'extrême droite, ça y est, je suis arrivé. Rassemblement National. Arrivé. Là où on voulait être. Et, je pense que le nom va vous faire rire, les Comités Jeanne. Au secours. Est-ce que c'est jaune avec l'accent ou c'est Jeanne. Jeanne. Jeanne. Au secours. Jaune comme la couleur. Donc, qui c'est qui... Oui, voilà. qui... je demande si c'est avec l'accent. Alors t'as un Randall qui est, c'est, quoi, c'est daltonien et t'as Ludo qui est sourd en plus. Il est sourd mais des couleurs. Donc qui va représenter ce parti bien évidemment? Jeanne. Le comité Jeanne. Qui va représenter? Colniche. Maugriff à l'œil. Eh ben voilà. Rien que pour ça j'ai bien fait de faire ce quiz. Jeanne Masse. Forcément une Jeanne. Toujours. Oui, donc on a forcément Jean-Marie Le Pen et son ami Bruno Colniche. Ouais. C'est une Jeanne. Bruno Colniche qui parle japonais. Jeanne Masse. Hein, on se recoupe, hein, je voudrais pas dire. Donc après on a les ce qu'on appelle les Jeanne, on dirait une marque de biscuits. Quoi. De ce côté-là non, il faut j'ai pas trop. J'ai pris des comités Jeanne. Oh, c'est gentil. Donc après on a les autres. Alors ils sont pas forcément affiliés à un grand parti européen. Donc on a par exemple Alliance Royale. Parce que les autres c'est des grands partis européens. Ah oui. C'est ça le pire, c'est ça le pire. Dupont-Aignan. Putain, on est nuls. Non, c'est pas précisé. C'est des Indés. C'est les Indiens. Alliance Royale, Allons Enfants, le parti de la jeunesse. De la jeunesse. Ah, c'est des curés qui disent ça. Allons, enfants. Et c'est pas la Marseille. Eh ben, justement, qu'est-ce qu'il y a après? Civitas. Les plaidophiles. Civitas, voilà, c'est les bons réacs. Plaidophiles. En avant les histoires. Génération écologie. Le parti animaliste. Ça fait 8 fois que tu le sais. Le parti animaliste, c'est les plaidophiles, ça. Clop-clop. Non, c'est les gentils monsieur. Oui, il y a les pirates. Clop-clop. Le parti des citoyens européens, parce que tu comprends bien que les citoyens d'Afrique du Sud, ça m'a tapé les couilles. Vous êtes qui va rien dire, tu sais. Il y a un nom. Oui. Parti... Nous, on est pour les citoyens européens. Le parti congoloïde. Ouais, ça, c'est Henri de Lesquen, ça. C'est le comité. C'est le parti Henri de Lesquen. Le racisme est une opinion, laissez-moi vivre. Merci, Henri. Ça commence à aller trop loin quand même. Oh non, non, non. Non, mais moi je vous signale que je suis toujours à la Grèce, quoi. Donc. On arrive sur les enculés de base. Donc on commence le nom de parti français. Justement, il y a. Ils ont pensé aux enculés. Ça, t'es pas dépaysé, t'inquiète pas. On parlait de Lesquen. T'inquiète. Ah, le parti fédéraliste européen. Non, le parti pirate. Ah. Ils ont des vrais députés. Ils ont des vrais députés. T411. Ouais, c'est Julia Reda, je crois, une députée les plus actives. Ouais. On a il a un VPN aussi. On a Place Publique, peut-être que certains avaient entendu parler de ce mouvement. C'est avec Raphaël Glucksmann. C'est un très bon groupe des années 80. C'est vrai, ça fait nom de... Ils ont fait de la politique après. Non, moi je trouve que voilà. Ça fait plus vie privée, vie publique. Ouais. Là, ça fait, Et pas Glucksmann. Rassemblement... Eh, ça va rien je dire. Sais pas, j'ai voulu rien. Je ne demande rien. Je sais pas si c'était une blague ou une... Ouais. C'est marmonné, ouais. Il a pas osé. Hein. Après, on a le Rassemblement des contribuables français. Ah. T'as dit quoi avant que t'as parlé? On est nombreux là. Ah, je crois qu'il a parlé de Raphaël Glucksmann. Oui, voilà. C'est un nom de parti. Ouais. Ah oui, bah, justement, quoi, tu sais pas pour qui tu votes. La MGM. Donc, Rassemblement des contribuables français. Rassemblement des contribuables. C'est tous les gens. C'est tout le monde. Un sacré paquet. Rassemblement des écologistes. Pour le vivant. Pourtant, l'écologie des morts, c'est important. Alors, le minéral, non. Non, non. Personne. Bah, les couilles. Alors là, peut-être, ça vous dira quelque chose. Résistons. Non. Prouvons que nous existons. Alors, c'est la tête de lycée. Jean. Rochefort. Il parle de... Lassalle. Lassalle. Jean Lassalle, voilà. C'est dingue comme tu limites. Des limitations. Ça va bien. Je limite encore mieux quand tu fais la grève de la faim. La grève de la parole, tu préférerais, par contre. Moi, je m'en branle, je t'écoute pas. Et à ce niveau-là, on dit pas écouter, on dit supporter. Souveraineté, identité et liberté et parti de l'innocence. Il y a trop de. C'est le même, c'est le même parti. De Villiers. Oui, c'est très bien. Non, non, non, visiblement, le mec est très, très, très à droite. Un truc royaliste comme ça. J'ai plus le nom, mais j'ai pas le nom. Parce que le mec, personne ne connaîtrait le nom. Il vendait de Villiers. Visiblement, le mec est très à droite. Après, on a l'Union Populaire Républicaine. L'UPR, oui, donc. Isabelle. Ah, c'est Lino, voilà. Et on a Volt Europa. Volt Europa. C'est les gens d'EDF, je sais pas. C'est Luc Besson. Moi, dès qu'il y en a moins de 3, je suis perdu. Et donc, il nous reste des partis qui se sont... Non, on va finir là-dessus. Oui, on va finir là-dessus. Là, 751, en fait. Non. On finit là-dessus. Là, c'est les... C'est, là, c'est bon, c'est fini. Oui, là, c'est fini, fini. Sur l'annonce de Il y a d'autres parties. Voilà. Voilà. Suite. Je vous invite à aller sur... Voilà, sur les autres parties de, dont on se fout.com. Non, c'est juste pour les citer, bien évidemment. Donc, on a les mouvements de... Merde. Oui, voilà, de gilets jaunes. Ah bah non, alors. Ah bah, hey, trop tard, t'avais dit merde avant. C'est François Berléand qui a dit merde. Ouais. C'était... Je veux pas balancer, mais c'était tocheux. J'ai de très bons amis gilets jaunes. D'ailleurs, j'en porte un. Ton chien, c'est ça. Y. Et grec. Et grec aussi. Ils cuisinent très bien. Donc on a le ralliement d'initiative citoyenne. D'initiative. Pardon. Ah oui, c'est fondé par Eric Ciotti. Eric Ciotti. C'est mon bon Ciotti. C'est Ingrid Levavasseur. Ah oui. Il y a une faute de frappe. Non, non. Ça va, va pas aller. Ça va. Après, ça on a l'Union, l'Union jaune. Excuse-moi, il te reste combien de batteries sur ta merde, pour savoir. Non, c'est fini. Là. On a tu sais que ça consomme très très peu, c'est quand même. C'est ça, c'est pas photo, évidemment. De... Après, on a l'Union jaune. C'est pas un marteau, c'est pour le Ricard. Ça bien, c'est ça, les... voilà, l'Union jaune, c'est pour le Ricard. Et on a le, sam... Le... Pas le, Ricard. Le rassemblement des gilets jaunes citoyens. Parce qu'elle n'est pas citoyenne, elle s'en bat les couilles. Et donc, c'est fini. Eh ben, je me suis... On n'est pas citoyen, on est simplement électeur. Eh ben, je me suis bien fait chier quand même. C'était vraiment vous très lire un livre qui vient de sortir. Eh ben, vraiment, il vient de sortir, de sortir. Bon, on est au mois d'avril, mais au mois de mars. C'est 10 questions plus une sur l'Union européenne. Non, on est en avril. Ah, oui, fort. Non, mais c'est pas grave. On est en mars, en avril. Il est sorti il y a un mois. Ouais, c'est ça. Il est sorti il y a un mois en fait. Et c'est par c'est David Kaila et Coralie Delhomme. Ah, il a du mal à lire en biais. Mais d'habitude, il est en forme. Il a fort, du mal en biais, oui. Est-ce qu'on se referait pas la liste des pays on a parti. Pour toutes on n'a pas trop suivi. Juste pour refaire les acronymes à chaque fois. Maintenant, on citera aussi le premier secrétaire. Pour rien se cacher, on n'a pas été super, super à l'écoute. Ah bon ? C'est très donc bizarre. Donc si on pouvait la refaire. Allez, on recommence. Parce qu'il y en a, ils ont décroché à la Grèce. Donc si vous pouvez reprendre à partir de là. Ouais. Alors, c'est marrant que tu le dises parce que moi, par exemple, oui. J'ai... Voilà. Faut peut-être qu'on recommence un peu avant quand même. Un peu avant. Un peu avant. On se remet dans le bain. Bon, je pense que le jingle était pas bon. On va recommencer depuis le début. The Ward, par exemple. Oui. Bon, pas aux bières parce qu'on les a finis. Ah, David n'a pas fini la série. Il y a de la bombe. Il y a une bouteille. Et Vinby est toujours pas fermé. On y retourne. Mais vas-y. On t'attend. Vas-y, on t'attend. Vas-y. Bon, ben voilà, j'ai fini avec mon dossier chiant. Non, oui, c'était pas... chiant, ouais. Non, ça, c'était pas si chiant, finalement. J'ai connu pire. Non, c'était instructif. Ouais. Mais dans le micro. Un peu pointu. Ouais. De toute façon, on n'y comprend rien à l'Union Gandalf européenne. Gandalf fait pointu, donc... ça va pas ensemble. C'était peut-être un peu chiant à cause de nous aussi. Non, mais allez voter, quand même. Ouais, c'est un faites comme vous voulez. Mais pour qui ? Je sais pas. Selon le parti animaliste. Blanc. Votez blanc si vous savez pas, mais allez voter. Ah, il a pas dit que voter pouvait... blanc, ça sert à rien, c'est pas pris en compte. Parce qu'il y a le parti blanc. Bah, c'est dommage. De Michel. Oui, mais du coup, ça Michel sert. Mais ça vous fait de Gérard l'air aussi, c'est le parti de Gérard Blanc. Ça vous fait toujours prendre l'air d'aller voter, même si c'est pas pris en compte quand c'est blanc. Oui, d'aller pisser aussi. Tu peux se barrer quand Gandalf fait sa chronique aussi. Si tu vas pisser au fond du jardin, ça te fait prendre l'air. Mais quand tu vas pisser, t'as pas forcément un rideau. Alors que pisser dans l'urinoir. L'isoloir. Autant pour moi, j'ai confondu. T'as raison. Moi, je vois bien le mec qui sort sa bite et qui pisse dans l'urne quand même, ça doit être sympa quoi. À voter. Je signe avec mon gland. C'est pour ça que j'ai plus le droit d'aller voter dans ma commune. Ça va pas, monsieur, vous avez rayé le bulletin. S'il y avait que le bulletin. Je vous laisse aller dans l'isoloir. Et bah merci bien, on va passer à la on dernière dit non merci mais bon partie on peut bien s'essuyer avec les noms en plus. De ce numéro, ça va être la musique. Oh non. À ce temps-là, Jésus dit à Matthieu descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant chantons. Donc on la commente. Et bah, maintenant ça bouge bien là. C'est bon, ouais, c'est terminé. Et bah du coup, c'était trop en bien. Tout cas, ouais, merci à vous tous d'être venus pour ce numéro. Pas sûr qu'on revienne. De l'extrême. Attends, c'était que le premier. Oui, et encore deux. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internet? Asto @ Asto sur Asto 81. Ouais, non, toujours 80. Ah, tu connais même pas ton Twitter. Ah là, non, mais... Ouais, non, mais parce que c'est chiant, j'aimerais bien voir le @Asto, mais je peux pas. Si c'est déjà pris, mais. Bah, tu nous donnes l'adresse du mec? Ah, bonne idée. On va lui casser la gueule. Tu peux pas, en on, fait, lui envoie, on lui envoie François Berléand. Sur Twitter, tu peux pas dire qu'une personne n'utilise pas son compte parce qu'ils s'en foutent. Donc tu peux pas faire de la délation. Ouais, tu peux pas faire ça rend service à la nation. En plus, le gars n'utilise pas son compte. Ouais, il est créé depuis genre, je crois 2009, et en fait, il a aucun tweet, rien dessus. Il est pas corruptible. Oui, il doit je sais pas. Lui péter une ou deux dents. Donc du coup, c'est Asto 81. Ouais. Mon tout. Si, corruptible, ça marche. C'est ce que les gars au début, oh non, de l'argent, j'en ai jamais assez. Ah, un bon coup dans la gueule. Là, t'en as eu assez. Et comme il doit se refaire faire le portrait, ouais. Bah, il a plus d'argent. Exactement. Voilà. Tous ceux qui font des dons à Podren de moins de 5 euros, bah, un coup dans la gueule. S'ils ont perdu 3 dents, ils y réfléchissent. Valérie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur la scène de Podren, à l'heure qu'il est. Aussi, voilà, exactement. Ah non, c'est passé maintenant. Ah non, on est en direct. En direct sur podren.fr. Donc, mais voilà, venez nous voir à Podren. Sinon, sur @talfo, T-A-L-F-H-O. Ou sur... Oh là là. Oh, c'est malheureux, ça. Ah oui, T-A-L et F-H-O, mais au moins ça se F-H-O. Oh, on n'avait jamais fait le rapprochement, putain. Avec un fond noir, en plus. Oui, il y est. Voilà, c'est un coup, est-ce que sur scène à Podren, on fasse... Et voici les fachos. Les... Talfacho. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il était disponible. Hein, le... C'est ça. Personne n'avait osé. Avec en invité vedette, Gami. Je me demandais pourquoi il ne s'était pas arrêté au H. Parce que si on veut être logique, on s'arrête au H. Mais oui, Talf. Horreur, c'est H, c'est pas H-O. Tu vois. Mais c'est vraiment vrai, on l'a fait ça. Je sais que ça fait cette phrase-là qui est un peu particulière, mais parce que c'était pour qu'il puisse le retenir pour les podcasts. D'accord. Ça marche. Une phrase, quoi. Pas terrible comme phrase, je suis d'accord. Mais c'est original. C'est réfléchi. Gandalf. Oh non, elle n'a pas fini. Coupe pas la parole. Je sais pas. Oui, ou @valou3375. Voilà. Moi aussi. Alors moi, on peut me retrouver sur Twitter, @HenriMichelTheBest. Avec un underscore au milieu. Emoji cœur à la fin. Et bien sinon, c'est @Gandalf81 pour ceux qui ne m'aiment pas. Le message est passé. Tu prends pas de risque. Parce que ceux qui ne t'aiment pas te renvoient quand même des messages. Le principe de Twitter. Ouais. C'est ça. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Asto. Non, c'était pas une pipe forcée. C'est un jonjon à géométrie variable. Ça me fait toujours bizarre quand tu me prends la tête comme ça. Ça te rappelle des souvenirs, c'est ça? Oui, ça, c'est sous les douches en roller hockey. Voilà. Quand il te met bien en face du micro. Et ben voilà, j'ai jamais utilisé mon compte, mais vous pouvez toujours essayer de m'envoyer des messages, je répondrai pas. Merci. À toi, jonjon. Ça valait le coup de se mettre devant le micro. C'est toi qui as le @Asto, en fait. Enfoiré ! Le traître. Oui, à toi. Ah, d'accord. @Toscheu, T-O-S-H-E-U sur Twitter. Vous me retrouvez aussi dans le Focol avec l'ami Loli et Azertov. Et voilà. Et puis à Podren, quand il y a une occasion d'y aller. Tous les ans, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais des fois, ils le font deux fois par an. Hein. Ah, on va y venir, ouais. On va faire une bise annuelle. Voilà, non, mais c'est à peu près tout. L'apéro original sur Instagram pour les bières essentiellement et aussi pour la bouffe. Et puis voilà, et puis c'est déjà pas mal. Monsieur Ludo ? Grosse chose à annoncer. Moi j'ai rien. Hein. Moi vous pouvez me retrouver sur le même. Vas-y, redis-le. Je peux pas. T A L F H-O. Ça marche. On l'accélérera en montage. On voilà. Va bien exporter le F-H-O. Alors, et non pas tu es à L et F-H-O. Ça, non, parce que là, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Enfin, ça fait trop long. C'est loin de tout ce qui est film d'horreur. C'est pour ça que ça marche. Nous, on fait dans le film d'horreur, donc on peut dire ce qu'on veut, quoi. On peut chier sur les enfants, tout ça, quoi. Sur les handicapés, surtout. Quoi. Nous, oh là là. On n'a pas de retenue, on n'a pas de filtre. C'est multiculture, c'est pas grave. Tout ce qui reste assez proche du sol, finalement. C'est plus facile de chier dessus. On l'a vu dans les prochaines. Faire attention à toi. C'est vrai. On va vous présenter Kenton. Allez, David, garde la parole, c'est à toi. D'un micro. La transition est facile en plus maintenant. Je sais pas si maintenant je dois dire où on peut me retrouver. @François Berland. C'est ça, je suis pigiste corse. @David Rampillon, Bad Geek et Podren. Grosso mordo. Et sur son Twitch, Piano Impronin. Piano Impronin, sur Twitch. À la chatte à ta mère si t'es pas content. Mathilde. Oui, désolé de passer après ça. Hein. Ah ouais. Ah, je suis habituée. Oh, la chatte à sa mère est pas si mal. Ah. Elle écoute quoi. Pauvre maman. Montage de l'enfer. Le montage de l'enfer. J'en veux plus. Oh, je m'en fous. Allez Mathilde, où est-ce qu'on te retrouve ? Moi, on me retrouve. Oh ! On me retrouve sur Twitter, Instagram, c'est la _ siffleuse. Voilà. Et près d'une calculatrice. Je fais une prépa maths. Une vague de suicide dans les prépa maths. J'en suis à 10 burn-out depuis. Donc voici 16. Pépé. Oui, ad péremptoire, et je veux dire bon courage à Zertov pour le montage. Désolé, ça va aller. Il n'y a rien acheté. Il n'y aura pas de coupure. Il n'y aura pas de coupure, mais la moitié des gens ne parlent pas dans les micros, ça va être horrible. Oui. Au pire, on le fera en post-synchro. En playback. Tu peux me redoubler juste cette phrase-là, s'il te plaît. Ouais, alors les juifs. Donc, Pépé. Péremptoire. Et j'ai un petit groupe de promotion de la Terre plate, mais ça, on en parlera le mois prochain. Vous verrez avec les théories du complot. Donc, si vous voulez venir, hein, c'est trop bien la Terre plate. Voilà. Tocheux, toi, t'es co-administrateur. Ouais, exactement. Voilà. Donc, si vous voulez parler de la Terre plate, c'est un très bon sujet. Et j'adore. Voilà. Plate ou plate, ou plate ah, moi, je suis, alors, moi, je suis plus donut. Okay. Mais ça, on en parlera aussi. Et toi, Azertov? At Azertov avec deux F à la fin, tout simplement. Ouais. C'est ça. Et du coup, bon, on part sur, sur une petite musique. Au mois prochain. Très bonne musique. Et il a pas fait les chats. We'll be right back. Salut les jeunes. Navré d'avoir dû vous happer dans la voiture, mais nous devions vous voir de toute urgence. Mais qui vous êtes ? Je m'appelle Zarnoff. Voici... Azertov, Asto, Péremptoire, Tocheux. Et Gandalf. Salut. Mais pour vous faire une réponse plus complète, nous sommes les dépositaires d'un grand secret émanant d'extraterrestres. Concernant la diffusion des podcasts. Par faille temporelle. Oh. Vous pouvez rire, on a l'habitude d'être l'objet de moqueries. Ok. Nous sommes envoyés par notre sage et omnipotent leader, Zoltan, pour vous trouver et récupérer. La Zoomer 16. Oh. Alors, vous venez de Duranus ? Ah ouais, je comprends, vous aussi vous restez une heure aux toilettes. Écoutez, c'est très important. Nous avons surpris un échange cosmique qui nous incite à penser que vous avez été, au cours de la soirée d'hier, en possession... La Zoomer 16. Qu'en avez-vous fait ? Du quoi ? La Zoomer 16. Elle est un appareil énigmatique et très puissant. Et l'énigme qui l'entoure n'a d'égal que son immense pouvoir. Eh ben, désolé, mais on se souvient plus de ce qu'on a fait hier soir. Faites bien attention. Le danger fait route avec... La Zoomer 16. Comme l'a écrit... Zoltan ! Zoltan ! Ce qu'on va faire... C'est que on va ouvrir l'œil, des fois qu'on verrait le... La Zoomer 16. Et si on le localise, on vous appelle aussitôt ? Oui, c'est impératif. Mais n'oubliez pas qu'un grave danger pèse sur vous. Ne vous fiez à personne. Exception faite de nous. Oui, merci. Dis Gandalf. Faut temps pour moi. Ne vous fiez à personne. Exception faite de nous. Zoltan !